les immangeables d'un côté et le rayon charcuterie. Puisque nous avons divisé en deux le règne animal, ici les vaches sacrées, là-bas le bœuf est halal. C'est donc à moi de choisir qui du poussin du Bambi, qui du lapin de Winnie. C'est à moi de définir de qui je ferai des raviolis. Puisque nous avons érigé une infernale industrie, inventé de nouveaux métiers, bourreaux modernes en série. Et puisqu'elle est emballée sous film alimentaire sexy, en barquette aseptisée, la viande est un produit. C'est donc à moi de choisir qui du poussin du Bambi, qui du lapin de Willy. C'est à moi de définir qui je transformerai en ravioli. Doit s'entasser dans nos boyaux. C'est donc à moi de choisir qui du poussin du Bambi, qui du lapin de Winnie. C'est à moi de définir avec qui je fourrai mes raviolis. Oh, oh, oh, oh.